sa clémence et sa modération. Mais c'est surtout pendant la guerre civile et après ses victoires qu'il fit admirer sa modération et sa clémence. Pompée avait dit qu'il tiendrait pour ennemi ceux qui ne défendraient pas la République. César déclara qu'il regarderait comme amis les indifférents et les neutres. D'autre part, il autorisa tous ceux à qui il avait donné des grades à la recommandation de Pompée à passer dans l'armée de son rival. Au siège d'Ilerda, il s'était établi entre les deux armées des relations amicales, à la faveur des négociations entamées par les chefs pour la reddition de cette place. Afranius et Petreius, abandonnant tout à coup ce projet, firent massacrer ceux des soldats de César qui se trouvèrent dans leur camp. Mais cet acte de perfidie ne put le déterminer à user de représailles. À la bataille de Pharsale, il cria qu'on épargna les citoyens, et il n'y eut pas un soldat à qui il ne permit de sauver, dans le parti contraire, celui qu'il voudrait. On ne voit pas non plus qu'aucun de ses ennemis ait péri autrement que sur le champ de bataille, excepté Afranius, Faustus et le jeune Lucius César. Encore ne croit-on pas qu'ils aient été tués par ses ordres, et cependant les deux premiers s'étaient armés contre lui, après en avoir obtenu leur pardon. Et le troisième avait fait cruellement périr, par le fer et par le feu, les esclaves et les affranchis de son bienfaiteur, y avait égorgé jusqu'aux bêtes achetées par César pour les spectacles de Rome. Enfin, dans les derniers temps, César permit à tous ceux à qui il n'avait pas encore pardonné de revenir en Italie, et d'y exercer des magistratures et des commandements. Il releva même les statues de Lucius Sylla et de Pompée, que le peuple avait abattus. Apprenait-il qu'on méditait contre lui quelques projets sinistres ou qu'on en parlait mal, il aimait mieux contenir les coupables que de les punir. Ainsi, ayant découvert des conspirations et des assemblées nocturnes, il se borna pour toute vengeance à déclarer par un édit qu'il était au courant. À ceux qui le critiquaient avec aigreur, il se contentait de donner en pleine assemblée le conseil de ne pas continuer. Il souffrit même pour se plaindre qu'Aulus Caecina déchira sa réputation dans un libelle des plus injurieux, et Phytolaus dans un poème des plus diffamatoires.